drummer. C'est rare qu'il y a deux batteurs. You. T'es fort synthé là-haut. Ok, just a minute. I play and then I mute. 2, 3, 4. Thank you. après au bass. And then mute, drum after. J'aimais quand j'étais gamin, on est 80 je crois. Stay on yesterday. to play with Jonah anymore. John, could you play? C'est bon? Il est où? Il est parti, le batteur? To fly, we can. It was an easy life, but when it took pas grave, ça passe. niveau là. Thank you.